Один, два, три, четыре. L'industrie de la nostalgie, c'est une bonne affaire, pépère. Ils sont des millions qui n'ont rien d'autre à faire que de regarder par en arrière. T'en souviens-tu quand tu étais ticu? T'en souviens-tu? Te souviens-tu des méchants communistes? Ils avaient des bombes, ils voulaient faire sauter le monde. Ils dominaient l'espace et l'espoir, hélas. Les méchants communistes, les méchants communistes. Ils étaient costauds, parfois barbus. Ils avaient des tracteurs, nous étions perdus. Mais heureusement, on avait la démocratie. Mais heureusement, on avait le mariage. Le mariage. Fini les baises sur la plage. Fini les beuveries pas très sages. Car aujourd'hui, on se marie, ma chérie. Elle prend fin ici, la folle vie. Mais pourquoi diable t'es-tu enfui au beau milieu de la cérémonie? Sur un poteau, j'ai mis ta photo. Juste au-dessus du chien du voisin. Et dans les journaux, j'ai payé pour mettre ta photo. Car un jour, j'ai confiance, je te retrouverai. Oui, un jour, j'ai confiance, je te retrouverai. Son frère, ce bon samaritain, a eu pitié de mon chagrin. Là, tout jamais, elle est partie vivre dans une commune avec de la drogue et des chevelus. Merci mon ami de me soulager ainsi, mais je dois te faire une confession. J'ai quelque chose à t'avouer. Autrefois, j'ai vu ta soeur sans son pot de bikini. J'ai vu ta soeur sans son pot de bikini. Donner ma crème glacée dans la piscine, elle l'a plongée et sa brassière s'est détachée. Moi je n'ai pu m'empêcher de regarder. J'ai vu sa soeur sans son haut de bikini. J'ai vu ta soeur sans son haut de bikini. Perdre la raison, danser le discours, tout seul comme un pompon. Et divorcer, divorcer, divorcer, divorcer. Et quand les crises successives nous auront la vie ruinée, n'oublions jamais que l'industrie de la nostalgie